tant mieux, ça ne doit pas être bien. En plus, on va recommencer à dérailler. Donc, c'est une exposition qui est maintenant un peu ancienne, qui avait été créée justement à Nantes pour un festival qui s'appelait Fin de siècle, qui avait suivi les Allumés. Et c'était l'année consacrée à Johannesburg. Donc, j'avais proposé à Jean Blaise, à son équipe, une exposition sur la comparaison entre l'image des Bretons et des Noirs africains dans la presse populaire parisienne. Et donc, on avait monté l'expo à ce moment-là. L'idée de cette expo, il faut remonter quand même à la source, elle vient du livre de Morvan Lebesgue, Comment peut-on être breton ? Et d'une phrase dans ce livre qui m'avait marqué quand je l'ai lu, pourtant ça fait très très longtemps, que je vais vous reciter. Le breton appartenait à jamais à la race pittoresque et récréative qu'incarnait sous une autre peau cette autre rondeur, le bourg-nègre Banania. Bamboula, Yabon et Bécassine Madoué Béniguet, les deux lunes alternées de mon enfance, la noire, la blanche. Au fond, je les imaginais assez bien mariés tous les deux, le négro et la Brézonec, puis nous, nantis d'un petit pécule, tenanciers d'une de ces boutiques de plage où l'on débitait à la grosse du chou en tire-bouchon et du maturin à brûle-gueule. Et ça m'avait marqué à ce moment-là, et puis il s'est trouvé qu'après, donc, on m'a commandé d'abord une expo sur l'image des Bretons dans la presse populaire, qui a donné lieu à un livre aux éditions Ouest France, Les Bretons dans la presse populaire illustrée, qu'on peut trouver sur eBay et sur les sites d'occasion, puisqu'il est épuisé chez Ouest France. Et puis j'avais fait, pour les anneaux de la mémoire, une autre expo sur le noir dans la presse du blanc. Donc il était tentant évidemment de comparer les deux images et de voir si la phrase de Lebesgue correspondait à une réalité ou pas du tout. C'est un sujet évidemment casse-gueule, parce que donc la presse populaire illustrée qui se développe en France sur le modèle de la presse magazine anglaise à partir des années 1833, avec d'abord le musée des familles et puis le magasin pittoresque, puis ensuite avec des grands titres que sont l'Illustration, Le Monde illustré, l'Univers illustré, dans une deuxième période aux alentours de 1850, puis par une presse populaire illustrée plus populaire, plus centrée sur le fait divers avec le petit journal Le Petit Parisien, donc avec ses grandes une couleur comme celle-ci. Cette presse populaire illustrée qui va être le premier grand média de diffusion en France, puisqu'il va projeter non pas uniquement du texte mais de l'image et donc parler à un public beaucoup plus populaire qui va décoder directement les images, et donc presse populaire illustrée qui va construire fortement les stéréotypes et les archétypes en France. Cette presse populaire, elle va obligatoirement publier sur plus d'un siècle. On peut même considérer que Match, encore aujourd'hui, dans la tradition, évidemment, la photo a remplacé la gravure de cette presse-là, c'est des millions d'images. Donc si on a un propos calé à l'avance, en cherchant bien, il y a quand même de fortes chances qu'on trouve les images qui illustrent le propos. Donc ça peut être tout à fait manipulateur. Donc ça, c'est le premier travers. Le deuxième risque de cette exposition, et ça j'ai essayé d'y faire assez attention, mais c'est toujours un peu un risque, c'est qu'elle soit mal comprise dans son objectif, qui n'est pas fondamentalement, même si elle a tourné principalement en Bretagne, mais pas qu'en Bretagne, on pourra y revenir dans le débat après, finalement, qu'elle soit digérée uniquement dans un sens un peu revendicatif régional, du genre, vous voyez bien, on a été traité comme des nègres. Ce risque-là aussi existait. C'est vraiment pas c'était pas le but. Le but, c'est bien... de même que le bouquin de Lebesgue, c'était bien marqué en dessous, essai sur la démocratie française. Ici, c'est un peu la même chose. C'est la question qui était posée par l'expo, c'était de revenir, et on est encore dans les débats d'actualité de toute évidence, sur la manière, à travers sa presse populaire, qui était donc le premier grand média, comment la société française, et surtout les milieux politiques et intellectuels parisiens qui sont derrière cette presse populaire illustrée, ont appréhendé la diversité en France sur plus d'un siècle et demi. C'est fondamentalement là qu'est l'exposition, et à travers l'évolution des images, je trouve que c'est assez intéressant d'y revenir. Donc, c'est évidemment, il y a toujours un côté manifeste dans une expo de ce type. j'assume de dire que je n'ai pas cherché à manipuler, donc je n'ai pas cherché à trouver juste les 100 images qui correspondent aux propos, mais qu'il y a vraiment des milliers d'images qui correspondent aux propos. Donc là, et que donc on peut en essayer d'en tirer quelques conclusions ou grandes pistes d'analyse. Donc, l'expo s'intéresse énormément donc à la Belle Époque, le moment où la société française rentre vraiment dans une nouvelle modernité à partir des années 1880-90, et où elle est confrontée toujours à la représentation de la diversité. Diversité régionale encore très forte, ne serait-ce que dans les langues parlées sur le territoire, et diversité de l'empire colonial, avec quand même déjà un début de représentation folklorique. Donc deux images un peu pour commencer, celle de ce défilé d'enfants en costumes régionaux devant le monument de Jules Ferry. Donc on voit bien un peu la manière dont on joue à la fois sur l'unité et sur la diversité, et à peu près de la même manière, cette image de la vie parisienne autour de l'exposition coloniale, où là on joue aussi sur une diversité à travers la République qui tire tout le monde. Après, ce qui me semble important, c'est quand même que cette exposition, on n'aurait pas pu faire la même avec, je ne sais pas moi, l'Alsacien et l'Indochinois dans la presse populaire illustrée. Ça n'aurait pas fonctionné. Parce que, très clairement, dans la presse populaire illustrée, c'est bien le noir africain qui incarne le colonisé. L'imagerie est beaucoup plus abondante que sur l'Indochine ou le monde arabe. Et elle est assez différente. Et très clairement aussi, c'est bien le breton qui incarne le provincial, le non-parisien. Et ça pour des raisons assez faciles à comprendre. D'abord, le breton est facilement reconnaissable grâce à un accoutrement tout à fait spécifique et exotique. Ensuite, c'est à la Belle Époque la première population immigrée parisienne de très loin, ce qu'on a tendance à oublier. Donc il est très présent sur l'espace public. Et donc quand on veut montrer que la France entière accourt, le plus simple, c'est de mettre un breton en costume pour une image. C'est extrêmement simple, extrêmement lisible. Donc là, on a deux visites aux Invalides. Dans un cas, donc on a un Africain. Après, il y a, derrière chaque image, on pourrait plus développer. Ici, on est aussi sur le lien particulier avec l'Abyssinie dans le cadre de la politique, la géopolitique française. Mais aux Invalides, on retrouve aussi le breton, ce qui permet de marquer l'unité nationale. Le premier grand groupe d'images, c'est des images autour de la représentation, de l'objet d'étude. Où là, très clairement, on ne peut pas mettre sur le même plan celui qui étudie, en l'occurrence donc le français blanc urbain parisien. Globalement, c'est toujours le parisien, mon propos est un peu simplificateur, mais c'est globalement ça. Et celui qui est étudié, donc qui peut être dessiné, qui peut être photographié, c'est une célèbre image de Le Quintrec, et dans les représentations, on va donc avoir ces représentations où l'indigène est représenté de la tête aux pieds d'une manière extrêmement descriptive. Donc là, on a un paysan breton dans un reportage sur la Bretagne, et évidemment, on va trouver autant d'Africains tout aussi présentés de manière descriptive. Donc on est dans la description. Et là, évidemment, il n'y a pas égalité entre celui qui décrit et celui qui est décrit. Ça me semble vraiment important, avec beaucoup, beaucoup d'imagerie là-dessus. Ensuite, cet autre, puisqu'on joue bien sur l'altérité, on le présente dans un certain nombre de lieux qui sont faits pour ça, notamment les expositions universelles. Donc là, on a des Sénégalais à l'exposition universelle en 1900, et là, on a des Bretons à l'exposition universelle en 1867. Donc les expositions universelles sont aussi l'occasion de présenter cette altérité de manière exotique. On peut les présenter au Champ de Mars, c'est des Dahomey 1 au Champ de Mars, des Bretons sous le métro. Donc on a beaucoup de possibilités, beaucoup de lieux qui sont des lieux de représentation de cet autre, et dans une période où on voit bien se développer quelque chose qui est de plus en plus de type folklorique. Donc un premier groupe d'images sur la description et l'objet d'étude, qui crée dès le départ une distance, et ça je crois que c'est extrêmement important. C'est pas de l'imagerie d'égalité, hein, très, très clairement. Le deuxième groupe d'images qui me semble important, c'est des images autour du paradis perdu. J'avais beaucoup insisté là-dessus dans le bouquin sur les Bretons dans la presse populaire. L'image que les Bretons ont de leur propre image est extrêmement centrée sur l'entre-deux-guerres et, disons, on va dire, la période Bécassine. C'est quand même cette imagerie-là qu'on a le plus rediscuté et remis en scène, y compris pour des raisons militantes, mais qui n'est qu'une part de l'image. Et tout au long du XIXe siècle, notamment les deux premiers tiers du XIXe siècle, ce n'est pas obligatoirement l'imagerie dominante. L'imagerie dominante est bien dans la suite des pensées des Lumières, notamment de Rousseau, de la pensée romantique aussi, plutôt l'image du paradis perdu, et que la presse conservatrice va même, pour ce qui concerne la Bretagne, conserver extrêmement longtemps face à une société urbaine en mutation qui inquiète beaucoup les milieux conservateurs. Donc on va trouver beaucoup d'images où finalement on présente des gens en Afrique ou en Bretagne qui sont généralement pauvres, mais qui vivent bien, avec toujours, par exemple, ce caractère un peu indolent qu'on voit bien dans ces deux images. Ce sont des vies tranquilles, en harmonie, cette idée d'harmonie, beaucoup de représentations évidemment des coutumes, beaucoup de choses sur la danse, les différentes traditions, les mariages. Un élément fort, notamment pour ce qui concerne la Bretagne, de présentation de cette vie communautaire, la danse, que ce soit pour l'Afrique ou pour la Bretagne, pour arriver finalement à une imagerie qui n'est pas une imagerie négative d'arriération telle qu'on l'a effectivement souvent en tête, mais plutôt la suite de l'imagerie de Rousseau. Et pour ce qui concerne la Bretagne, je trouve que cette image-là, ça c'est une feuille de chanson, est assez caractéristique de ça. Ça c'est les années 1860 à peu près. C'est toute la période romantique, et la presse populaire conservatrice, globalement la plupart des types dont je vous ai parlé sont des types quand même conservateurs, comme à l'époque comme aujourd'hui. Derrière les médias, il y a plutôt des puissances financières, donc plutôt la droite, cherche quand même à mettre en évidence des sociétés immuables. On y reviendra tout à l'heure, avec aussi une pratique religieuse importante. Donc c'est un peu le paradis perdu, un monde en dehors des influences d'une société en évolution. Ça, je crois que c'est une imagerie vraiment extrêmement importante, on va la retrouver après. Mais effectivement, parallèlement, et ça va monter... sur la fin du XIXe siècle, et surtout surtout de la première moitié du XXe, ou en tout cas le premier tiers du XXe, l'imagerie d'arriération va de plus en plus se renforcer. Et elle va se renforcer d'autant plus que, par exemple, la droite catholique conservatrice va se rallier à l'idée de progrès. Ça, c'est la fin du XIXe. Et que donc, ces gens qui étaient en dehors du temps, sur des sociétés un peu immuables, plutôt mis en évidence de manière positive, l'imagerie va évidemment changer. Alors, des images d'arriération, on peut en trouver plein. On retrouve un peu effectivement toujours les mêmes. La superstition. Donc, alors, vous pouvez prendre un poulet, vous pouvez prendre un hôtel de queue de vache. Vous en avez autant que vous voulez. Donc, beaucoup d'images de superstition. beaucoup d'images autour de la femme. Alors, il y a quand même toujours, ça j'insiste aussi là-dessus, on va le revoir, des différences de degrés. Là, l'image, c'est une publicité du Lion Noir. L'image qui est là, c'est une image clairement raciste. Là, c'est très clair. C'est une image extrêmement violente et raciste. On n'a pas des images identiques concernant la Bretagne. Il y a quand même des différences de degrés. Néanmoins, les images sont assez gratinées quand même. Celle-ci, par exemple, dans le rire, où il est question de l'utilisation du peigne non plus pour les cheveux, mais pour le beurre, c'est quand même assez fort aussi. Ou cette imagerie qui est connue, qui est donc les foires aux cheveux, avec cette idée un peu dans l'image qui mérite toujours d'être décryptée. Il y a plein de choses dans cette image, y compris le fait que le Finistère utilise des tuiles sur les toits des maisons, donc ce qui fait qu'on se dit que le gars n'est pas allé jusque-là pour créer son image. Mais on vend ses cheveux pour acheter les tissus qui viennent de la ville, de la grande ville. Donc il y a un double aspect de misère, mais aussi d'évolution culturelle et d'abandon progressif des traditions dans l'image, qui est une image vraiment, vraiment intéressante. Donc des images négatives sur la femme, d'arriération, qui se déclinent aussi au cinéma. Là, vous avez deux images des années 30, vraiment de la même époque. Le film Bécassine, qui fut interdit à Nantes suite aux manifestations des mouvements culturels bretons. Donc le préfet a interdit le film à Nantes en 38-39 pour trouble à l'ordre public. Mais Boubou le premier, Roi Nègre avec Milton, c'est exactement la même imagerie, effectivement toujours projetant une image d'arriération. Donc, montée progressive quand même de ces images d'arriération. Dans ces aspects de société qui, au départ, suscite la curiosité sur la logique de Paradis perdu, on passe à des sociétés qui font plus peur. Notamment, ça mériterait d'être développé aussi, un côté morbide des sociétés. Donc, la présence de la mort. Il y a énormément d'images en Bretagne sur la présence de la mort, des tableaux, des gravures, jusqu'à la présence du crâne. Donc ça, c'est la campagne du Dahomey, la fin du royaume Dahomey. Je fais une parenthèse, il y a une expo magnifique actuellement à Paris, au musée des Arts Premiers, sur cette conquête, avec tout ce que les Français ont ramené. Y compris, nous avons donc toujours à Paris des éléments qui sont des éléments centraux en termes artistiques et culturels de l'histoire du Dahomey, du Bénin. Et on les a toujours dans les expos parisiennes, toujours, ils ne sont pas rentrés au Bénin, ce qui est toujours interpellant. En tout cas, c'est une très très belle exposition sur les artistes de cette époque-là. Et des crânes, on en retrouve aussi en Bretagne. Dans des images qui sont exactement de la même époque. Donc toujours un côté assez inquiétant de ces sociétés où la mort rôde et où la mort est très présente, jusqu'aux délires les plus sanglants, dans quelques égorgeurs d'enfants. Alors on en trouve en Afrique, mais on en trouve en Bretagne aussi, où la mégère de Kerorven en a quand même 4 sur la conscience. On peut jeter, évidemment, les explorateurs aux crocodiles. On peut aussi se larder de coups de fourche. Notons quand même que le paysan breton est résistant, puisque, d'après ce qu'il y a dans le texte, l'homme va survivre aux 37 coups de fourche qui pourtant le percent dans tous les sens. Et on finit, évidemment, par le cannibale, auquel répond le naufrageur. Donc, on a là une imagerie de sauvagerie, qui est quand même assez, là aussi assez gratiné. Donc, troisième bloc, effectivement, après l'objet d'étude, le paradis perdu et l'ensemble des images d'arriération, mais on va encore un peu y revenir. Donc, ce troisième bloc sur l'arriération, voire la sauvagerie, et qui correspond aussi dans le temps, même si évidemment les choses se chevauchent toujours un peu suivant les titres et les illustrations et les sujets, mais quand même une évolution dans le temps progressive entre le milieu 19e et l'entre-deux-guerres, et où l'imagerie d'arriération la plus importante, c'est plutôt le début 20e et les années 20 au final. Ensuite, ces gens-là qui sont restés en marge du progrès, ils ont besoin d'être aidés, évidemment. Donc, on leur distribue à manger. Et l'imagerie là-dessus est très abondante et concerne d'abord la Bretagne. Avec la dernière disette française, qui est la crise de la sardine en 1903, avec un nombre d'images extraordinairement importantes dans la presse populaire de l'époque. Donc là, j'en ai mis deux, mais il y en a des centaines. Hein, y compris, il y en a une, je ne l'avais pas là en image, mais où on voit dans Le Monde illustré Paris présenté sous les traits d'une princesse ou d'une reine qui pousse la porte d'une masure au fond de laquelle est tapie une vieille femme qui attend l'aumône. C'est quand même une image extrêmement forte qu'on retrouve à ce moment-là sur la réponse à cette crise de la Sardine. Et on retrouve évidemment les mêmes images pour l'Afrique, mais on les retrouve pas à la même époque, ce qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire la distribution du bol de soupe aux enfants africains, c'est plutôt une image moderne. On ne la retrouve pas au début des années 1900, à une époque où globalement l'Afrique est encore assez autonome en termes alimentaires, l'agriculture vivrière n'a pas été totalement désorganisée, et les imageries de famine africaines vont venir beaucoup plus tard. Ce qui n'empêche qu'on a quand même beaucoup d'imageries d'assistance concernant l'Afrique, sur les maladies, sur la maladie du sommeil, la lèpre, on en retrouve beaucoup. Donc des gens en situation d'infériorité économique et qui ont besoin d'être aidés. Et évidemment, cette situation économique crée une immigration et crée un personnage extrêmement important qui est le domestique, le ou la domestique. Et si cette exposition a un sens et n'est pas, comme je le disais en introduction, une pure manipulation, je pense que ces deux images-là sont quand même là pour en témoigner. Dans l'illustration, dans les années 30, Beer achète une page toutes les semaines. Donc il y a une scène différente toutes les semaines. Donc on retrouve énormément de choses. Donc c'est d'une certaine manière une vitrine de la société française. Et là, vous avez dans la première image deux propriétaires parisiens, deux rentiers de toute évidence, qui discutent. Et vous avez donc la domestique Bigouden qui leur sert à boire. Et dans cette imagerie suivante, qui est de la même année, vous avez deux propriétaires coloniaux cette fois-ci, avec le domestique toujours en arrière-plan, qui là décharge les caisses. Je trouve que là, dans le mauvais sens, dans la représentation, il y a quand même quelque chose. Et là, pareil, vous ne trouverez pas, vous ne pouvez pas remplacer la Bretonne par une Alsacienne ou le noir africain par un Indochinois. C'est vraiment une imagerie forte qui, à mon avis, dit bien le sens de cette exposition. Et elle se décline ensuite sur plein de choses. La domestique avec la maîtresse de maison. Afrique, Bretagne. Le fait que le ou la domestique, ce qui est un élément fort d'infériorité, peut être touché par son maître. Donc la Bretonne en prise avec, on imagine, les avances du propriétaire de la maison, du maître de maison, mais aussi, de même, cette capacité d'être touché par son maître qu'on retrouve dans cette autre image. Et puis, on est donc en phase d'immigrés, et dans la construction de l'image des Bretons à partir de la fin 19e et surtout jusqu'aux années 20-30, cette image d'immigration est importante et je trouve qu'on l'a souvent peu développée. L'immigré est par définition victime. Il est en situation d'infériorité économique et culturelle. Donc ça, c'est une image claire à ce niveau-là. Donc c'est un malheureux africain qui se fait peindre en blanc par des apaches. Et nous, on a notre malheureuse à nous, victime, elle aussi, de toutes les blagues les plus méchantes de ces braves demoiselles. Donc là, Bécassine se retrouve dans un piège tendu par les affreuses jeunes femmes, jeunes filles qui sont là à côté, mais qui vont s'excuser après, hein, c'est quand même moral, Bécassine, il ne faut pas. Et donc, elle se casse le nez, qui n'était déjà pas bien grand. Malgré tout, là aussi, pour bien le redire, il y a des imageries qui ne se retrouvent pas en termes de degré, voire de nature. C'est un Tarzan. Le film est américain, donc on pourrait considérer qu'on sort de l'expo, mais la légende est bien française. Et la légende, c'est quand même Jane et ses deux domestiques. Donc, on est quand même sur de l'imagerie raciste. Et là, je vais pas sortir la même sur la Bretagne. Donc, ce racisme-là est quand même spécifique, et c'est important de bien l'avoir en tête. Ce qui m'a intéressé après dans cette recherche et dans l'exposition, c'était dans un deuxième temps de voir comment les images bougent et comment les images évoluent. Ça me semble quand même plus intéressant parce que finalement, la première partie, ces images-là, je pense globalement on les connaît, mais ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, à partir de là, les images aussi progressivement évoluent. Comment on sort de l'altérité pour rentrer dans la communauté nationale. Alors, il y a des passages faciles et obligés. Le premier, c'est être soldat. Par définition, il est assimilé, il est rentré dans la communauté nationale. Et là, vous avez deux images de même époque aussi, autour du sacrifice des tirailleurs sénégalais, ou des marins bretons, et si vous regardez le geste des deux, avec le bras tendu, vous avez exactement la même représentation. Donc le sacrifice permet clairement de rentrer dans la communauté nationale, c'est l'abandon de l'altérité. Cette image, par exemple, est une image importante concernant les Africains, par rapport à des imageries négatives d'arriération ou de racisme, c'est la légende de cette image qui date de la guerre, c'est moi j'ai choisi je sais pas comment il s'appelle Bamboula parce que le noir c'est plus distingué donc c'est quand même une évolution de discours et d'image importante qui correspond à l'engagement des tirailleurs sénégalais sur le front en 14-18. Il faut toujours évidemment garder un peu de recul. On sait aussi que pour le défilé de la victoire, on a reblanchi, tout le monde sait ça, les régiments qui sont passés sur l'Arc de Triomphe parce que sinon ça faisait des ordres. Ça ne montrait pas que la France éternelle avait vaincu l'Allemagne. Mais on a quand même des évolutions d'image à travers le sacrifice de 14-18. Et là, vous avez l'inauguration du monument aux Bretons morts pendant la guerre. Vous avez exactement le même au Sénégal. J'ai pas eu le temps de retirer l'image, mais vous avez les mêmes inaugurations derrière. Et même après 45, vous pouvez retrouver dans ces deux images, celle de Match et de France Illustration, donc c'est après 45, le même salut et les mêmes gestes. Donc, le fait d'être... Le soldat, l'engagement militaire est un élément fort de l'assimilation et de l'évolution des images. Autre point important d'évolution des images, et, c'est évidemment le catholicisme. Alors, concernant la Bretagne, il y a une imagerie colossale sur la pratique religieuse bretonne. qui s'explique par le fait qu'on est sur une presse conservatrice, donc confrontée à une mutation urbaine, à déjà une baisse de pratiques religieuses dans le monde urbain ou simplement ouvrier. Par exemple, à UL Gouat, dès les années 1900-1910, il n'y a pratiquement plus un homme à la messe. Et donc, il s'agit de mettre en évidence face à ça la région qui garde ses traditions, qui garde une pratique religieuse forte. Donc ça tombe fondamentalement sur la Bretagne. Là, vous avez des milliers, des milliers d'images. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on retrouve beaucoup d'images sur la conversion au catholicisme de l'Afrique, et notamment cette image qui est une image du journal des voyages. Alors le journal des voyages, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les cannibales, les égorgeurs et diverses arriérations. Et là, et je crois que c'est une image qui dit assez le modèle français, vous avez un prêtre noir, africain, dont les traits ne disent plus rien de sauvage ou d'arriéré. On a même bien l'impression que c'est lui qui explique à son visiteur blanc, c'est lui qui incarne la sagesse. Et je crois qu'on est sur une image assez importante de décryption, pour décrypter ce qu'est le modèle assimilateur français, où là, alors je vous ai présenté un certain nombre d'images qui étaient des images potentiellement racistes, mais là, on est sur une imagerie fondamentalement non raciste. C'est-à-dire qui dit, finalement, peu importe d'être noir, blanc, d'origine africaine ou bretonne, l'important, c'est de se couler dans le modèle dominant. Et à partir de là, il n'y a pas de racisme. Et je trouve qu'on est là sur des images extrêmement importantes. Donc, bon chrétien, bon soldat. Et alors après, c'est à quel moment et comment on incarne non plus simplement l'assimilé, mais déjà quelqu'un qui se revendique dans son altérité. À mi-chemin entre l'assimilation et l'altérité, parce qu'on est quand même sur un code sociétal, culturel de la société dominante. Là, lui, je le reconnaissais bien. Je vais l'éteindre parce que voilà. Il y a le sport. L'imagerie sur le sport est assez importante dans l'évolution des images. Et on ne sait pas si on est dans l'assimilation ou dans l'affirmation. C'est très clair, par exemple, que le cycliste breton, à la fois on est sur le sport français populaire par excellence, donc on rentre bien dans le modèle culturel, mais avec projection d'un caractère spécifique, ténacité, dureté au mal, qu'on retrouve sur Bobet, Robic, Hino. Et de même, pour l'Afrique, le sport, d'abord l'athlétisme, puis le football, va être aussi un élément important d'affirmation et de présence. Ce matin, par exemple, ça illustre un peu le propos encore aujourd'hui, sur France Info, l'invité, c'était Thuram, qui vient de sortir un livre, c'est extrêmement intéressant par rapport à notre sujet du jour, qu'il a appelé les Étoiles Noires, qui est en fait un livre sur un certain nombre de grands personnages historiques noirs, Toussaint Louverture, voire avant. Il est passé par le foot pour s'affirmer. Donc il y a quelque chose qui passe par le sport de manière évidente. Athlétisme et football pour les Africains. Globalement, cyclisme et cyclisme pour les Bretons. Et puis, il y a l'affirmation vraiment de l'altérité par la culture. Ça me semble aussi un élément extrêmement important. La musique, de manière évidente, avec un peu on peut considérer trois grandes périodes. La période de la découverte, avec toujours un fond d'exotisme des cultures traditionnelles, des musiques traditionnelles. Donc là, je vous ai mis Kora et Bombard Biniou. Une période plus folklorique, donc déjà d'entrée sur les scènes, notamment parisiennes, mais sur une vision caricaturale et exotique. Et on peut mettre en parallèle, même si y a un petit décalage dans le temps, Joséphine Baker, qui n'était pas africaine, mais en tout cas la Revue Nègre et la Paimpolaise, et Botrel, extrêmement actif quand même sur les scènes parisiennes avec son propre cabaret. Deuxième période, plutôt période folklorique, donc de présentation, quelque chose d'assez caricatural, mais présent sur les scènes parisiennes. Et troisième période, qui est la période moderne, où là on a des artistes qui arrivent avec une forte revendication, le rap, Stivel, on pourrait en trouver beaucoup. Et on peut retrouver ça sur beaucoup d'aspects artistiques. Un peu l'architecture, par exemple. La statuette, ça me semble extrêmement important, y compris à travers l'art africain. Là, c'est la faïence Henriot, c'est Sévelec là, en parallèle. C'est de rappeler quand même l'importance de l'influence de l'art africain sur l'art breton, ce qu'on dit rarement, mais il est clair que avant l'art déco, il y a l'art africain, et après l'art déco, il y a les Seyss-Breuer, parce que les Seyss-Breuer sont quand même fortement influencés par l'art déco. Donc nous avons une influence de l'art africain sur l'art breton. Les modes, ça, je suis très fier d'avoir trouvé ça, parce que là, je pense vraiment que ça avait quitté la mémoire collective, et que, je l'ai exhumé. La première mode du kabyk breton dans les rues de Paris ne date pas de Le Minor, mais bien plus ancienne, et elle date en fait de 1867 et des costumes bretons de l'exposition universelle, avec une vraie mode bretonne dans les rues de Paris, ce qui tempère d'ailleurs le discours un peu récurrent qu'on peut avoir sur le fait que le breton à toute époque n'est jamais qu'une incarnation de l'arriération. On ne crée pas une mode avec des gens qu'on considère comme arriérés, donc c'est une image plus complexe que ça. Mais en tout cas, suite à l'exposition universelle, vous avez les costumes Jacob de Quimper en couverture du journal illustré, du Monde illustré, de l'illustration. C'est un peu comme si ça faisait Match VSD, le Nouvel Obs, la même semaine aujourd'hui. Donc c'est quand même tout à fait significatif. Et c'est lancé, en fait, j'ai eu l'occasion de le voir depuis, par le grand-père de Max Jacob, qui était tailleur, une famille de tailleurs quimpérois. Et donc, on a une première mode. Et des modes africaines, on en aura différentes à différentes époques aussi par la suite. Au niveau politique, donc, on va avoir aussi une grosse évolution. On part de quelque chose qui est la représentation d'un légitimisme politique, notamment mis en scène à travers les visites des présidents de la République. Alors, celle-ci est vraiment intéressante parce que on est quand même en 1896, donc l'échouant s'est fini depuis un sacré moment quand même, et on peut quand même lire dans le petit journal: le président de la République vient de faire en Bretagne un voyage quasi triomphal. Partout, il a recueilli des témoignages de vive sympathie dans une région où parfois on se montre rétif aux idées modernes. Cette tournée a donc eu une véritable importance du point de vue de notre politique intérieure. Les Bretons ont confirmé leur loyalisme ainsi que leur dévouement à la France et à la République. C'est quand même 1896 et on a besoin, le petit journal a besoin d'écrire ça. Ce qui est assez étonnant quand même. Donc, des manifestations de légitimité, il y en a évidemment partout aussi en Afrique, dès qu'un président de la République passe. Là, c'est Djibouti dans les années 30. Là, c'est Quimper aussi dans les années 30. Et là, on est en Afrique, je crois qu'on est au Sénégal, dans les années 50. Donc, énormément d'images, j'aurais pu vous en mettre 200 ou 300, d'accueils triomphaux des présidents de la République lors de leur tournée. La tournée du président de la République, c'est un élément important dans la vie politique et républicaine. Ça se dégrade quand même dans les années 60, Voilà. Alors, vous avez vu Djibouti dans les années 30. Là, c'est Djibouti dans les années 67, je crois, avec des couvertures, là, par contre, des meutes de revendication. Donc, on a toute la période, évidemment, de la décolonisation. On a pas mal d'émeutes en Bretagne aussi, notamment la fameuse émeute paysanne de 67 à Quimper, qui a été quand même extrêmement violente. Et pour répondre à l'agitation, il faut évidemment de nouveau des tournées des présidents de la République, avec ça qui marche. Et c'est quand même assez étonnant de voir ces deux images du canard enchaîné, qui sont vraiment de la même époque. Dans un cas, c'est Pompidou en Afrique avec sa carte de l'Afrique, et dans l'autre, c'est De Gaulle en Bretagne. Avec la carte de la Bretagne retournée. Donc, on a là des imageries étonnamment similaires. Donc, des images d'affirmation. Regard, c'est une revue communiste. Donc, l'Afrique noire en marche et la Bretagne debout. Couverture étonnante de match, hein, des 76, je crois, si mes souvenirs sont bons. Un vrai résumé de l'histoire bretonne moderne entre Gourvennec, Stivel et l'UDB. Donc on a là cette idée donc de pays ou de régions qui s'affirment, et on sort du cycle, et on finit un peu l'expo là-dessus, on pourrait finir l'expo là-dessus. Le cycle s'est terminé. Et on a eu cette reconnaissance et cette capacité à s'affirmer dans son altérité et dans son intégration, les deux à la fois. Quelques images pour la suite quand même, pour finir l'expo. D'abord, le découplage des images, parce que j'ai mis des images qui sont proches, mais toutes les imageries ne sont pas proches. Par exemple, on va avoir une grande difficulté à faire un chapitre érotique. Parce que autant on a un érotisme du corps africain, très honnêtement, il faut quand même se l'avouer, l'érotisme du corps breton ne transpirait pas dans la presse populaire illustrée. C'est même plutôt l'inverse, avec des reportages assez étonnants dans Match encore sur les filles du lycée de Brest en 72, vierges et fières de l'être, ou la description de l'arrivée des films porno à Concarneau en 74, qui sont des grands moments de la presse populaire. Dans Match. Donc ça, par exemple, il n'y a pas d'image, possibilité de parallèle. Et puis on a un vrai découplage quand même des images après les années 60, où on voit bien que progressivement, on va générer en Bretagne une image plutôt positive, voire très positive, un peu quand même le retour du paradis perdu, qui est un peu une image cyclique quand on décrit l'imagerie bretonne, mais c'est le miracle économique breton, enfin c'est et une tendance naturelle à verser dans l'autosatisfaction qui nous guette souvent. L'Afrique, après, même si c'est pas à 100%, va quand même générer de plus en plus, et on dit encore, des imageries très négatives. Donc il y a un vrai découplage des images, c'est important de le dire. Sur l'Afrique, l'image un peu qui, à mon avis, représente ça, c'est le Biafra qui commence à annoncer ces imageries misérabilistes et dramatiques sur l'Afrique. Donc il y a des découplages d'images après. Et puis je me suis amusé quand même en fin d'exposition à revenir sur le peuple noir. Parce que le peuple noir, pour l'assiette au beurre, c'est quand même les Bretons. Et le noir. Une image qui va bien avec la Bretagne. Alors, l'assiette au beurre, c'est non pas là la presse conservatrice, mais la presse d'extrême gauche. Nous sommes en 1903, 1902, donc dans le grand moment de séparation de l'Église et de l'État. Et le débat politique est extrêmement vif, probablement dans les termes beaucoup plus vifs qu'il n'est aujourd'hui. On a du mal à imaginer la dureté et les noms d'oiseaux qui s'échangent. Là, on a une charge très violente dans l'assiette au beurre sur les Bretons, suspectés de fournir les gros bataillons des troupes conservatrices pour s'opposer aux inventaires et à, et à l'expulsion des congrégations. Et donc, on va avoir dans l'assiette au beurre un numéro spécifique sur la Bretagne d'une extrême violence. C'est assez important pour comprendre, je pense, notamment le fait qu'une une partie de la presse de gauche, enfin des milieux de gauche ou d'extrême gauche, vont rester très anti-régionalistes. Moi, je pense que ça se joue beaucoup à ce moment-là, beaucoup plus certainement que dans la mise en scène de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment là. C'est-à-dire que c'est la séparation de l'Église et de l'État à la Belle Époque est quand même le moment fondateur de la vie politique moderne française. Et la Bretagne catholique va être placée fondamentalement dans le camp des conservateurs et de la réaction par la presse de gauche. Et donc après, on va avoir amalgame, langue bretonne, réaction, conservatisme. Et ça, ça va se retrouver tout au long du XXe siècle. Il n'est pas impossible que le sort républicain de la langue bretonne se joue là, notamment. Et on le voit bien après, y compris dans le fait que le catéchisme reste en breton, et que ça n'aidera pas derrière à ce que l'Église, à ce que l'école publique intègre la langue bretonne. Donc ça, c'est quand même une imagerie extrêmement importante. Le noir, c'est aussi la saleté. Comme dans cette image du rire, qui ne faisait pas beaucoup rire les associations culturelles bretonnes parisiennes, qui envoyaient constamment au rire des lettres de protestation sur les caricatures, et il y en a beaucoup dans le rire. Celle-ci est quand même assez gratinée, puisque cette servante bigoudaine s'est fait engrosser par le charbonnier dans la cave, dans toutes les idées, tout le noir possible. Et le titre, c'est « Le lapin noir ». Et est-ce qu'il y a un bigoudin dans la salle ? Je vérifie avant, parce que après j'ai des problèmes. Enfin, malgré tout, elle se plaint surtout du fait qu'il lui avait promis 5 sous et qu'elle ne les a pas eus. C'est bien une bigoudaine. Ça reste entre nous. C'est dur. Donc le noir de la saleté. Le noir... le noir des marées noires. Avec cette image de Charlie Hebdo tout à fait noire, qui fait aussi d'ailleurs référence au peuple noir catho de l'assiette au beurre. Ça c'est 78, ça c'est facile à dater. C'est la Moco. C'est un numéro, bravo les Bretons, hein, par ailleurs, puisque c'est le même numéro de Charlie Hebdo qui parle de Plogoff, des mobilisations antinucléaires. Le noir africain appliqué à la Bretagne avec cette idée du colonialisme intérieur, sur lequel on pourrait discuter quand même énormément, parce que c'est quand même une idée qui, à mon avis, ne résiste pas à une analyse historique sur la longue distance, mais ça fait partie de la vie politique, et notamment en Bretagne. Le noir de Kofi, incontournable, parce que ça génère énormément d'images, et d'imagerie, de représentation. Donc je crois que c'est quand même une image importante. Non, est-ce que le Togo va nous le rendre, ça... Les pronostics sont très divers. Et le noir du métissage, parce que ça, c'est une image que j'aime beaucoup, qui parle en plus de la Loire Atlantique, avec cette couverture qui a maintenant quelques années, de Talent 44, qui nous présentait donc une Bretonne de Loire Atlantique noire. Et cette image me semble importante, c'est évidemment avec celle-là que je conclue tout le temps, parce que derrière cette expo et derrière... la réflexion qui du coup est posée là, alors j'ai fait une sélection d'images, il y en a beaucoup plus dans l'expo encore, mais sinon j'aurais été très long. La question, c'est bien de participer au débat sur altérité, assimilation, diversité culturelle, et si le débat n'était pas aussi mal parti, même identité française quelque part. C'est une participation à ce débat là, l'expo est beaucoup plus ancienne que le lancement dramatique du débat de Besson, mais je trouve qu'on manque d'intervention. Avec Ronan, j'ai eu l'occasion d'en parler, on est peu présent dans le débat intellectuel finalement, alors qu'il y a un matériau, des réflexions possibles pour participer à un débat. C'est intéressant quand même que dans son débat, ou au moment du débat, Besson et Mitterrand se sont de nouveau prononcés contre l'inscription de la langue bretonne dans les lois de la République. Donc on est toujours dans des débats qui croisent à la fois la diversité culturelle en France et notre capacité à appréhender la diversité de gens qui viennent d'ailleurs. Moi, je reste convaincu qu'on est dans une société plus que d'autres sociétés européennes ou occidentales, qui a toujours eu un mal de chien avec la diversité. Et ces images, elles disent ça. Et que ça n'aide pas à imaginer comment les gens vivent ensemble sur l'espace public avec des éléments de diversité, des éléments de citoyenneté commune. Et je trouve dommage donc qu'on n'intervienne pas plus dans le débat. Donc la contribution de l'expo ou du bouquin demain, le mien n'est pas prêt encore, hein, parce que j'ai tellement de choses à faire en même temps que je suis en train de le retarder un peu. Je trouve qu'on intervient trop peu dans le débat et que les intellectuels bretons, qui ne sont pas très nombreux aujourd'hui, je me permets de le dire, sont étonnamment aphones dans des grands débats qui concernent un débat général français et européen comme un débat breton. Et donc l'ambition de l'expo, c'était aussi de participer de ce débat. Et donc merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bon ben, merci beaucoup. Merci. Tu vas avoir beaucoup de questions, de réactions. Ce que je propose, c'est que, comme d'habitude, on fasse notre pause maintenant, ouais. Ce qui va te permettre de reposer ta voix. On va en profiter aussi pour manger des galettes des rois. Et puis après, donc, deuxième temps, ce sera la discussion. Mais avant, la question traditionnelle, c'est qui reste déjeuner ce midi? On va aller au restaurant en face. Donc, si vous voulez bien lever la main, comme ça, je compte et puis je peux réserver. Malheureusement, je ne pourrais pas. Non, tu peux pas rester? Ah, c'est dommage. Ben oui. Mais donc, du coup, il faut poser les questions maintenant. Voilà, oui, on va poser les questions, t'inquiète pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est 7. OK. Donc, petite pause. J'ai redemandé du café, donc on devrait avoir du café. Café, galette des rois. Et ensuite, la discussion.